bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux de la part de la revue. Nous sommes très contents de vous retrouver pour le premier débat de l'année 2017 et je remercie une fois encore toute l'équipe de la rédaction et puis toute l'équipe de la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille. La discussion aujourd'hui aura lieu autour d'un numéro qui est sorti il y a déjà quelques mois, mais enfin le débat a été déplacé pour des raisons d'emploi du temps, et qui s'ouvre par un dossier intitulé « Violence révolutionnaire », composé de deux textes de Francesco Benigno et de Francisco Javier Ramón Solans. Le numéro doit normalement circuler, et si vous souhaitez l'acquérir ou le commander, vous pouvez, à la fin du débat, vous en enquérir auprès de Blaise Royer et de Chloé Morgan. Deux textes qui sont des textes qui ont été proposés à la revue et qui fournissent deux perspectives très différentes. Dans un cas, une note critique et dans l'autre, une étude de cas, qui ont cependant pour point commun, de mon point de vue, de porter un regard extérieur en termes d'historiographie sur la Révolution française, qui décale en partie la perception par rapport aux différents courants de l'histoire de la Révolution en France, mais aussi par rapport à l'histoire de la Révolution telle qu'elle s'est écrite en langue anglaise, qui est tout de même devenue une partie très importante de la production historiographique sur le sujet. Donc pour nous, cela a été l'occasion de rouvrir le débat très large sur les formes et la signification historique de la violence à l'époque révolutionnaire, dans une perspective qui soit critique, historiographique, réflexive et sur un terrain qui n'est pas forcément celui où les annales se sont le plus engagées dans le temps long, même si quand on regarde un peu l'histoire de la revue, on y retrouve un certain nombre de grands textes de Gocho et Soboul, par exemple, en dialogue critique au début des années 50, à Furet, Lefort ensuite, et puis un moment plus dense de publication avec des dossiers autour du bicentenaire de la Révolution française. Mais un objet historiographique qui est l'un des hauts lieux de la construction et de la réflexion et de même de la conscience historiographique au XIXe et XXe siècle, en particulier en France. Et c'est en ce sens et pour cela que nous avons fait le choix d'y consacrer ce dossier parce que, effectivement, nous nous sommes placés dans l'idée que nous ne pouvions pas, et j'entends par nous les historiens, les spécialistes des sciences sociales au sens large, ne pas être concernés par la Révolution à la fois en tant qu'événement historique et qu'événement historiographique dont la portée dépasse largement celle de son champ d'étude. Pour cette discussion, alors, il n'a pas été possible de réunir les deux auteurs qui précisément travaillent à l'étranger et que j'en profite pour saluer ici. Mais nous avons aujourd'hui avec nous Anne Simonin, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est membre de la rédaction de la revue, qui est spécialiste entre autres choses de la Révolution française, et qui ouvrira la discussion en présentant le dossier et puis quelques éléments de perspective général, avant de recevoir justement les éclairages, d'entendre les lectures successives de nos invités, Guillaume Mazot, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1, Claye Plumosi, qui est chercheuse à l'EHESS, et Déborah Cohen, qui est maître de conférence à l'Université de Rouen. Et je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir bien voulu vous prêter au jeu. Alors Anne, je te cède tout de suite la parole. Merci beaucoup Étienne. Et donc on parle quoi, 10 minutes c'est ça? On essaie de faire faire court. Un quart d'heure quoi. Ouais. Faire court. Voilà, ouais. Tu veux un timing réel ou un timing pour toi? Un timing pour moi, voilà. Pour toi, 5 minutes. D'accord, 5 minutes, très bien. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis chargée donc d'une présentation rapide de ce dossier. Et je voudrais commencer par une citation. En voyage à Cuba, le 5 décembre 2016, la ministre Ségolène Royal prend une position en faveur de Fidel Castro qui m'intéresse peu en tant que telle, mais qui va susciter une polémique importante. Et Ségolène Royal dit très exactement ceci. Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont inspirés de la Révolution française, mais sans pour autant connaître la terreur. Et donc, si la position sur le gouvernement de Fidel Castro, dans laquelle je ne souhaite absolument pas entrer, va provoquer une polémique, en revanche, que la Révolution française, sans la terreur, ait été épargnée à Cuba et qu'on va, d'une certaine façon, passer comme une lettre à la poste. Avec implicitement une chose qui semble acquise aussi bien par ce qu'on peut considérer comme la gauche de gouvernement, mais de façon plus surprenante par certains spécialistes de la Révolution française, tel Michel Vauvel, cité dans ce numéro. Je cite Vauvel, « Les espérances de bonheur sans mélange, de régénération universelle sortie de la philosophie du XVIIIe siècle, ont sombré dans la terreur. » Donc il y a une sorte de sens commun qui s'est un peu mis en place, en quelque sorte, et qui sépare la révolution entre... Il y aurait deux révolutions dans une révolution. Une bonne révolution démocratique et pacifique, ça c'est un peu compliqué quand la France entre en guerre au printemps 92, mais qui serait donc 89-92. Et puis une révolution qui, on le veuille ou non, 93-94, la révolution de l'an 2, serait donc placée sous l'emprise de la dictature, celle du comité de salut public, celle de Robespierre, et de toute façon, celle du sang de façon en quelque sorte généralisée. Et il est clair que quand on pense, et alors ça c'est mon premier point, le lien entre révolution et violence, même si le mot terreur n'est pas prononcé, implicitement la référence à ces 18 mois de la Révolution française, entre mars 1793, en gros la mise en place du tribunal révolutionnaire, ce qu'on appelle tribunal extraordinaire de Paris d'abord, puis les représentants en mission, entre autres, et juillet 1794, donc le 9 Thermidor, la chute de Robespierre et des robespierristes est une période qui est une période en quelque sorte clé, nommée pas. Alors, les annales ont consacré un numéro particulier à la terreur. C'est le numéro de 2002, avec un dossier spécifiquement centré sur la terreur, sur les cultures de la terreur, rassemblant donc des historiens qui doivent évidemment être cités. Antoine de Beck, David Bell, Sophie Vanisch, Carla Hess, Suzanne de Sane et... tous des historiens qui ont évidemment continué à produire sur la terreur. Le dossier qui nous réunit ce soir, donc j'y insiste, n'a pas la terreur comme objet spécifique, même si la terreur s'inscrit quand même en filigrane dans les deux papiers que les historiens ici présents vont commenter. Étienne a souligné, je voudrais revenir là-dessus, que les historiens qui ont donc rédigé les deux articles, Francesco Benino pour l'un et Francisco Javier Ramón Solans pour l'autre, ne sont pas des historiens français. Alors, les annales ne livrent pas la Révolution à l'étranger. Voilà, on va se mettre d'accord là-dessus. Mais les annales considèrent qu'il est important, et d'ailleurs on le voit au sein même des articles, que les deux historiens en question dialoguent avec l'historiographie française. Mais ce qui nous paraissait là, pour le coup, intéressant, était de décentrer en quelque sorte le débat, dans la mesure où la Révolution comme sujet, en tant que sujet national, et elle reste un sujet national tout à fait important, pouvait peut-être être traité sous un autre angle d'attaque. Et il ne s'agit pas de dire, quand on prend deux historiens étrangers pour traiter un dossier dans les annales, que les annales ne prêtent pas attention à l'historiographie française en train de se faire. Et je pense que, justement, le dialogue qui se noue entre les historiens, entre ces deux historiens et l'historiographie française est tout à fait intéressant, montre bien que pour des gens, des historiens étrangers, on ne travaille pas sur la Révolution sans se référer aux travaux français. Je voudrais être certaine que la réciproque soit identique du côté français. Et il est vrai que, de par sa construction, de par la construction du sujet Révolution française, alors qu'il y a une école américaine en particulier et une école anglaise importante sur la Révolution, souvent, on a un peu l'impression de circuits parallèles, en quelque sorte, qui se rejoignent peu. Et ce n'est pas parce que vous citez, alors vous allez me dire, ce n'est pas parce qu'on cite en note en bas de page que l'on digère les idées et que l'on déplace la façon de poser les problèmes, mais il est vrai que la Révolution, dans cette époque de transnationale ou d'histoire globale, un sujet qui mérite encore, je crois, vraiment d'essayer d'intégrer, mais d'intégrer au sens du chameau ou au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire en ruminant, des hypothèses qui sont formulées par donc des historiens étrangers. Alors, il y a... on voit à la lecture des deux articles, et c'est vrai que bon, l'article de Francisco Benigno est une note critique sur trois ouvrages. Celui donc de Timothy Tackett, The Coming of the Terror in the French Revolution. Celui de Jonathan Israel, Revolutionary Ideas, An Intellectual History of the French Revolution from the Right of Man to Robespierre. Et celui de Chaim Burstein, Révolutionnaire, pour une anthropologie politique de la Révolution française. À côté de cette note critique, qui est une note critique puisque Francisco Benigno considère qu'aucune de ces trois approches, la première, celle de Tackett, placée sous, pour dire les choses trop brutalement et trop rapidement, sous l'histoire des émotions. Celle de Jonathan Israel, qui est plus idéologique, quelle est l'influence des Lumières radicales sur la Révolution. Et celle de Chaim Burstein, qui lui se place dans une perspective plus anthropologique, comment devient-on un protagoniste révolutionnaire, ne sont véritablement satisfaisantes pour expliquer cet énorme événement que reste la Révolution. Alors, on peut déplorer que la Révolution ne soit pas l'objet d'une histoire totale, d'accord ? Est-ce pour autant dire que la Révolution ne peut être l'objet que d'une histoire en miettes ? Et je crois que c'est peut-être un des traits de cette historiographie contemporaine que de considérer qu'on peut poser qu'il n'y a plus cette volonté peut-être d'arriver à l'explication ultime, à la vérité absolue sur l'événement, ce qui ne veut pas dire, dans une ère de post-vérité, qu'il n'y a pas des interprétations qui soient plus vraies que d'autres. Mais il me semble qu'en tout cas, on est un peu sorti de cette histoire qui n'est pas pour moi une histoire en miettes, mais qui est une histoire plurielle de la Révolution, une histoire plus flexible en ce qu'elle admet ne pas être détentrice d'une vérité nécessitant forcément adhésion dans toutes ses dimensions. Le deuxième article pour lequel moi j'ai un faible particulier, parce que je trouve que c'est un article merveilleux, c'est la relecture de l'affaire de Catherine Théot, dite la mère de Dieu. Alors la mère de Dieu, alors nous on a une chance sur vous, quand on a lu les articles, c'est une domestique de 63 ans, qui est convaincue d'abord d'être enceinte du nouveau Messie, et ses sectateurs avec elle, et elle porte un nouveau Messie qui est une figure très réconciliatrice, puisqu'il doit réconcilier les juifs et les chrétiens, pardon, c'est dans cette période, les juifs et les chrétiens, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ou pensé trop fort, et à côté de ça, mais en même temps, et on voit bien dans la façon dont le sujet est traité, comment le merveilleux, au pire moment, puisque c'est au moment de ce qu'on appelle la grande terreur chez les historiens, est quelque chose d'extrêmement prégnant, avec aussi une dimension d'espoir qui est portée par Catherine Théot, puisque grâce au rituel des sept baisers, ce qui est quand même assez... vous avez la possibilité, et donné la possibilité, de parvenir à une sorte d'immortalité corporelle. Et je crois que quand on pense la mort sous la Révolution, cette thématique de l'immortalité est une chose qui est absolument essentielle pour travailler l'acceptabilité par les contemporains de la question de la mort. Voilà, alors c'est un dossier qui a toujours été minoré, le dossier de Catherine Théot, même si des études importantes lui ont été consacrées, mais comme elle aurait voulu, il y a tout un complot, elle aurait voulu assassiner Robespierre et Vadier, au Comité de Sûreté Générale, va s'en servir pour disqualifier Robespierre, on a vraiment oublié le fait que cette femme racontait une autre histoire de la Révolution, une histoire populaire qui ne fait pas l'impasse sur le merveilleux et l'espérance du temps révolutionnaire. Et ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, je vais essayer de m'intéresser à deux autres choses, c'est-à-dire, la première est que la question de la violence reste une question incontournable sous la Révolution. et qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne trouverait pas d'historien, ou peut-être que je me trompe et je serais démenti, qui ferait une apologie des massacres de septembre, des noyades de Nantes, des jugements en blanc du tribunal révolutionnaire, et que la question de la victime et de l'innocence des victimes est effectivement une question qui est absolument centrale, au sens où on n'y échappe pas. Et on n'y échappe pas, ou à mon avis, et je pense que l'histoire des émotions n'aide pas beaucoup à y échapper, parce qu'il y a toute une vision moralisatrice qui rend très compliqué de penser cet objet qui est encore chaud. Je rappelle que, par exemple, sur la guerre de Vendée, on n'a toujours pas, les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres et sur les victimes, sur le nombre de victimes. Ce qui peut paraître étonnant quand, depuis la Restauration, on a en gros un certain nombre de sources qui ont été publiées, eh bien, on ne parvient pas, avec toute la bonne volonté du monde, à se mettre d'accord sur le nombre des victimes. En ce qui concerne la terreur, la chose est un peu différente, quoique. On admet, suite aux travaux de Donald Greer, que les victimes légales de la terreur représentent 17 000 personnes. Je parle des victimes légales. Lui, en intégrant des victimes paralégales, il admet le chiffre de 40 000 victimes. En point de comparaison, je rappelle que la bataille d'Eylau, qui n'a pas été une bataille, enfin on aurait pu s'en passer, a fait 20 000 victimes. D'accord. Donc, il faut juste avoir les chiffres pour pouvoir... Mais on peut dire ça. Donald Greer dit le nombre d'accidentés de la route aux États-Unis par an, c'est 35 000 victimes. Et le tribunal révolutionnaire, en deux mois, c'est 2500 personnes. Eh bien, vous ne parvenez pas. Et on voit bien que c'est des arguments qui ne servent à rien parce que la terreur reste un bain de sang. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas essayer de dénombrer et de compter la terreur pour mettre à jour les catégories juridiques, et j'y insiste, qui sont celles de la justice d'exception. Alors, la question doit-elle, dans ce lien entre violence et révolution, est-ce que ça signifie, quand on refuse de faire l'impasse sur les questions que pose la violence d'État extrême à un moment donné, que l'on considère aujourd'hui que la conquête des droits de l'homme, dont on m'accordera qu'elle fait partie des conquêtes révolutionnaires, doit être évaluée, c'est-à-dire dévaluée, par rapport au prix du sang versé? Et je crois qu'il y a une chose qui est un peu ennuyeuse, c'est qu'il faut il faudrait peut-être pour écrire l'histoire de la Révolution se débarrasser de quelque chose qui est assez tendance, c'est-à-dire d'un amour de cette réconciliation des historiens avec l'anachronisme. Très beau papier de Nicole Leroux sur l'éloge de l'anachronisme, très beau papier de Jacques Rancière, mais il y a un problème du temps, et je pense que ça a été très bien montré dans le livre de Frédéric Bramy, qui est sorti récemment, qui s'appelle « La raison du peuple ». La question du temps est une question absolument essentielle dans le cadre du projet révolutionnaire. Et si le mot « décret », par exemple, a une telle importance dans le vocabulaire, c'est qu'à partir du moment où une chose est décrétée, c'est un peu comme si elle était réalisée, si elle avait été faite. Et tous les obstacles qui sont opposés à ce qui a été décrété deviennent effectivement des choses que l'on peut éliminer sans aucun problème. Quand on regarde la question de la Vendée, David Bell dit, c'est un sujet qui divise les historiens français au moins autant que Vichy. Bien. Et je pense qu'il a raison. Mais la chose, c'est que la Vendée, c'est un sujet qui divise les révolutionnaires dès 1794. C'est Barère qui nomme la Vendée, la guerre de Vendée, dès mars 1793. La Vendée, c'est une guerre. Il faudra attendre 4 ans pendant la guerre d'Algérie pour que le mot « guerre » soit collé aux événements qui se déroulaient en Algérie. Dès le printemps 1994, il y a un rapport, celui de Le Quignot, devant le comité de salut public. Et Le Quignot, qui est contre ce qui est en train de se passer, qui le dit. Le rapport ne sera publié qu'en l'an 3, c'est-à-dire en 1995. Et Le Quignot peut écrire, alors qu'il est contre les pratiques qui sont très dures, qui sont mises en place en Vendée. Il dit, bon, écoutez, s'il fallait tuer 400 000 personnes, on pourrait envisager de tuer 400 000 personnes. Mais c'est peut-être pas ce qui serait le mieux dans le cadre révolutionnaire, parce qu'il faudrait essayer plutôt de jouer sur l'opinion publique et de faire évoluer un peuple de fanatiques. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est peut-être pas en les tuant qu'on va réussir à les convertir à l'idéal révolutionnaire. Ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est que ces vérités et la surmortalité en Vendée, elle est parfaitement connue. Et elle est connue des plus hautes instances de l'État, c'est-à-dire du comité de salut public. Et on peut formuler dans l'espace public une chose qui consiste à dire bah, s'il faut tuer 400 000 personnes, envisageons l'hypothèse. Donc c'est ça qui est quand même très intéressant. C'est de voir, et le Quignot va avoir une importance absolument essentielle, puisque à un moment donné, le comité de salut public et le comité de sûreté générale vont réorienter leur politique en Vendée. Mais il faut bien voir que, par exemple, la violence, elle a été aussi liée à la liberté d'expression qui régnait même sous la terreur, et qu'il a été possible de produire une dénonciation d'un événement comme la guerre de Vendée qui, encore une fois, lorsque si on fait des comparaisons, comparons avec ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et la dénonciation de la torture, a été beaucoup plus immédiat sous la Révolution française que sous la Ve République. Je ne vais pas plus loin, je dis que ce jeu de la Révolution française en termes d'époque, de comparaison d'époque sur des sujets qui sont des sujets, enfin, qui concernent la violence d'État, n'est pas nécessairement au désavantage de la Révolution. Et donc, voilà, c'est ce que je pense très profondément. Je pourrais continuer, mais ça ne veut pas dire. Et donc, voilà, je voudrais passer la parole aux historiens pour. Merci beaucoup, Anne, donc, d'avoir rappelé que la Révolution française était un bloc, hein, et même un bloc assez dense. Hein, et effectivement, d'avoir lancé le débat à la fois par ses perspectives finales et puis par la présentation des deux articles, même si j'espère que la plupart d'entre vous ont eu le temps de les lire depuis le temps où le numéro a été publié. Guillaume Mazot, je passe Merci, la ouais. parole avec plaisir pour la suite de la discussion. Merci beaucoup. Alors, je vais réagir d'abord un petit peu à ce qu'a dit Anne rapidement. C'est vrai que c'est bien que la Révolution française soit plus un objet qui soit sujet à des perspectives forcément d'histoire totale, etc. On est sorti d'un certain fétichisme hein, dans l'écriture de l'histoire de la Révolution, bien que l'histoire de la Révolution reste un genre ultime dans la carrière d'un chercheur, comme une sorte de grande œuvre. C'est pas une évidence, ça, hein, d'ailleurs. Il faut peut-être le questionner. Donc le fait qu'elle soit un peu saucissonnée, etc., je pense pas que ce soit un vrai éparpillement comme toi, effectivement. Je pense que c'est plutôt un signe de vivacité, non seulement non parce qu'il faut absolument la célébrer, mais parce que aussi on est sorti des questions morales, je pense, d'une vision morale de la Révolution. C'est plutôt une très bonne chose. Et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça questionnée à travers finalement des thèmes peut-être un petit peu plus ciblés qu'auparavant, que dans les années qu'à la fin du XXe siècle? C'est notamment parce qu'il y a des questions qui ne sont pas résolues. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et la question de la violence en particulier, bien, s'il y a deux articles là, qui sortent dans ce beau numéro, c'est notamment parce qu'on voit bien que ce n'est pas une question qui est résolue. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Sur l'histoire des émotions, je trouve que ça peut aider personnellement à comprendre l'histoire de la Révolution et des violences, à condition qu'on fasse une histoire politique et sociale des émotions, que cette histoire-là ça soit située et contextualisée. Bref. Alors, deux articles très intéressants, effectivement, très différents. D'abord, une note de lecture sous forme de bilan historiographique avec trois lectures, d'autre part un essai en forme d'étude de cas. Une vision d'un côté plus historiographique et d'histoire politique et de l'autre côté plus d'histoire culturelle. Si on considère que le fait religieux peut être inclus dans l'histoire culturelle. Intéressant aussi, car les points de vue, et c'est vrai que c'est un vrai beau choix, ces deux chercheurs étrangers, c'est pas deux chercheurs anglo-saxons, et je trouve que c'est plutôt bien aussi. C'est intéressant parce qu'on n'est pas l'habitude de lire les autres, ou moins l'habitude, surtout jamais dans leur langue originale. Enfin, moi, je parle qu'anglais, quoi, en gros. Enfin, français aussi, mais... voilà, et du coup, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait réfléchir là-dessus. Alors, Francisco Benigno le dit dans sa contribution, ça permet de sortir évidemment des débats un peu routiniers hein, qu'on a, nous, avec la violence révolutionnaire. On est entre nous. Cette histoire de la Révolution française, elle est très particulière, elle est très matricielle, très... Il y a un fétichisme hein, de cette histoire-là. Et c'est vrai que ça nous permet de sortir de ces routes-là en pointant les angles morts, au risque parfois de certains oublis, de certaines impasses que je pourrais peut-être souligner tout à l'heure. Et puis, surtout, il concerne donc un des thèmes fondamentaux, la question des violences, ici, surtout abordée du point de vue de leur mécanisme. Et je suis intéressé par le fait que ce ne soit pas simplement la question de leurs origines ou de leurs causes qui conduisent souvent à des impasses, même si l'appréciation dans le temps long, à mon avis, doit être un peu plus soulevée peut-être que dans ces deux articles-là. La question des enjeux politiques des violences aussi, qu'elles ont soulevé, il faut le rappeler, et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des principales pistes, c'est que ce qui ce qui distingue cette période-là, peut-être parmi les autres, parmi les périodes précédentes, si on la compare aux périodes précédentes, par exemple, c'est que la violence, et en particulier la violence politique, puisqu'il faut la qualifier, c'est des violences politiques dont il s'agit dans ce numéro-là, devient un élément du débat public. C'est-à-dire que c'est publiquement débattu, comme tu l'as dit. C'est peut-être ça qui distingue encore plus, finalement, cette période de crise que d'autres, en tout cas du point de vue de l'intensité, puisque c'est dès le début, dès l'été 89, ça devient une des pierres, à la fois une des sources d'énergie et une des pierres d'achoppement de cet événement-là. Voilà. Alors, l'article de Francesco Benigno, donc c'est à partir de l'analyse de trois ouvrages qui lui apparaissent fondamentaux sur la question, celui de Timothy Tackett, Jonathan Israel et Haïm Burstein, qui aborde donc la violence à travers, l'un, les émotions, Tackett, deux, les idées politiques Israël, et l'anthropologie politique pour Burstein. Il propose donc d'expliquer la violence, puisque c'est aussi ça l'intérêt de son article, à partir de cette lecture-là qu'il fait de ces trois auteurs, il fait une proposition à la fin. Et il propose d'expliquer les violences par la structure de la politique révolutionnaire, je le cite, qui, selon lui, donc, c'est l'édifice institutionnel lui-même, donc, articulé autour d'une concurrence entre souveraineté populaire associé à l'espoir d'une démocratie directe. Et d'autre part, la représentation politique, qui est incarnée par l'Assemblée nationale en particulier, pour lui, qui explique, donc c'est cette dialectique-là qui expliquerait la dynamique de la violence révolutionnaire. Et donc, je le cite, il dit que l'extrémisme politique ou l'extrémisme idéologique, comme il le nomme, serait lié à cette structure politique faisant du peuple et de ceux qui en captent la légitimité, selon lui, d'abord les militants radicaux des sections parisiennes exclusivement, enfin en tout cas principalement dans son article, eh bien ce peuple-là serait devenu l'instance majeure de la prise de décision politique qui aurait permis aux groupes formels de la politique formelle instituée hein, de rester au pouvoir, d'éliminer leurs ennemis. Hein, et donc il étudie ce mécanisme qui ferait de l'action directe et particulièrement de l'exercice de la violence sur le terrain un instrument de pression sur ces groupes politiques, mais aussi une réponse à une incitation, à une instrumentalisation des foules populaires par les groupes politiques. Donc, en somme, selon lui, donc, la violence proviendrait de cette dialectique, pardon, de la radicalité politique, mot qu'il ne prononce pas. Or, dans son article, en fait, il traite peut-être des violences, mais aussi, en fait, du problème bien sous-jacent de la radicalité politique. Peut-être qu'il faudrait déplacer les réflexions vers ça, à mon avis, ou en tout cas de ses liens avec la violence politique. Et donc ça viendrait, donc, cette violence des rapports entre la rue et l'Assemblée. Puisque, selon lui, les trois pôles principaux, c'est l'Assemblée, la cour et la rue. De ce fait, Francesco Benigno, donc, il appelle à une enquête sur les réseaux politiques des sections parisiennes, pour mieux les connaître, ou des groupes même plus informels, hein, autour des sans-culottes en particulier, sur leurs liens avec les groupes politiques institués au sein de l'Assemblée. Voilà. Et donc, ce qui serait une réalité, selon lui, négligée par les lectures récentes. Voilà. Quant à l'autre auteur, donc Francesco Javier Ramón Solans, dans un essai, une étude de cas qui m'a vraiment passionné, hein, on peut le dire, il y avait un étudiant, Augustin Guillot, que tu connais, Antoine, puisque tu avais dirigé ses travaux, puis ensuite c'est moi, qu'on avait fait travailler sur Catherine Théo, justement, en Master 2. Donc ouais, ça m'a beaucoup intéressé. Donc Catherine Théo, une prophétesse liée au mouvement figuriste janséniste, dont l'écho donc, était important, puisque c'est 3000 à 4000 fidèles, pour ceux qui n'ont pas lu en gros autour de Paris, parce qu'elle a aussi été très surveillée, qu'il y a eu un procès, etc. Et qu'au beau milieu de la crise de 93-94, ce phénomène témoignerait, selon lui, des solutions religieuses, hein. En tout cas, au sein de la religiosité populaire hétérodoxe, qui répondent avec le providentialisme, l'immortalité de l'âme en particulier, aux profondes angoisses qui seraient provoquées d'abord par la politique de déchristianisation de la Convention, mais aussi par la guerre et l'omniprésence de la mort hein, pendant cette période. Et donc voilà ce qu'il analyse, cette émergence d'une religiosité fondée sur le millénarisme, le merveilleux et l'ancrage dans l'actualité politique. C'est ça qui est intéressant, c'est le lien entre cette religiosité et la politisation comme une réponse aux violences. Voilà. Il décrit tous les arrangements, en fait, les accommodements que font les individus, des individus qui se sentent exclus de la révolution. Il fait une petite sociologie, c'est aussi qui est intéressant, c'est ancré socialement, voilà, au cœur de Paris. Ouais, ce qui est quand même incroyable, c'est autour du Panthéon et ils font tranquillement leur petite séance. Voilà, ça pose quand même question. Peut-être qu'ils ne le questionnent pas assez d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils le font si longtemps? Bon, pourquoi est-ce que c'est toléré si longtemps? Et donc, moi, ça m'a vraiment intéressé à de nombreux points de vue. Le premier article, d'abord, parce que c'est le thème du retour. En tout cas, c'est la volonté de passer par l'explication politique. Bon, parce qu'à mon avis, ça, c'est déterminant. L'analyse des violences pendant la crise de cette révolution-là, hein, elle tient en grande partie par sa nature politique. Bon, c'est peut-être une banalité de le dire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments, hein, mais voilà, c'est, à mon avis, c'est intéressant. C'est en partie peut-être ce qui fait sa spécificité. D'autre part, sa discussion historiographique est intéressante. Elle porte, donc, ses critiques portent sur finalement la même chose, le manque de contextualisation, de prise en compte des mécanismes politiques des violences. Donc là aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis sa réflexion implicite sur la tension entre violence légale et violence légitime, qui, dès l'été 89, très très tôt, hein, est un moteur et aussi une limite pour la capacité des nouveaux fondés de pouvoir à convertir l'énergie collective en réponse politique, en réponse institutionnelle, en réponse législative, juridique et même morale. Bon. Pour le second article, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'éclairage sur l'importance justement des religiosités hétérodoxes qui sont issues du XVIIIe siècle. Et finalement, les analyses du mouvement janséniste, on les connaissait déjà, mais c'est comme si ça s'arrêtait un petit peu aux portes de la Révolution et on ne savait pas ce que ça devenait. Or là, en termes de territoire, c'est-à-dire quartier Saint-Médard, mais aussi autour de la rue Mouffetard, etc., en termes de sociabilité, Catherine Théot est clairement issue du milieu janséniste, avec son versant figuriste, etc. Il donne des solutions de continuité. Donc il permet de penser ces mouvements-là, qui portent en eux une potentielle contestation politique, qui portent en eux aussi des solutions religieuses et culturelles pour endosser une crise politique. Il donne des solutions pour penser finalement la gestion de la violence dans des milieux populaires, sur le long terme, en fait, avant la Révolution, au-delà de la période révolutionnaire. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Et puis, c'est incarné, c'est solide. Enfin, voilà, bon, c'est bien démontré. Donc, c'est en particulier cette méthodologie. Et puis, l'échelle européenne, puisqu'il montre aussi les circulations. Non, le millénarisme, évidemment, est pas une particularité, une spécificité, n'est pas une seule réponse à la crise révolutionnaire française. Il le relie aussi à l'échelle européenne avec des exemples anglais, italiens, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut se demander dans quelle mesure ça n'a pas influencé le romantisme politique au XIXe siècle. Alors, il y a des éléments de discussion quand même. Alors, le choix des trois ouvrages d'abord, dans le premier article, a à la fois un intérêt, c'est-à-dire qu'il permet de balayer trois champs différents, mais à mon avis, du coup, ça tord un petit peu la réflexion en évacuant certaines problématisations, certaines problématiques que je vais... évidemment, ça élimine un certain nombre d'auteurs qui, non pas qu'ils auraient dû être étudiés en tant que tels, mais peut-être auraient pu être mobilisés comme ressources pour analyser ces trois auteurs-là. Dans le premier article, par exemple, je suis frappé par l'absence des lectures des travaux de Jean-Clément Martin, quand même, sur sa contextualisation politique de la violence, etc., et anthropologique. Sur les travaux de Charles Walton aussi, sur la liberté d'expression en révolution, qui a apporté quand même beaucoup de choses pour comprendre ces phénomènes-là. Maika Alpao aussi, hein, sur la non-violence. Alors, toutes les problématiques de la non-violence ou de la violence évitée, sur les possibles non-avenues de la non-violence ou de l'évitement de la violence, sont un peu gommées aussi. Bon, voilà. Alors, évidemment, on peut faire la liste de tout ce qu'il n'y a pas. Souvent, je préfère faire la liste de tout ce qu'il y a. Mais enfin, on attend quand même d'une note de lecture critique qu'elle mobilise quand même un arsenal assez costaud. Ce qui manque un peu, je trouve, malgré tout, et ce n'est pas une question d'être français ou pas, hein, d'accord ? Puisque Walton ne l'est pas. voilà. Et dans le deuxième article, j'aurais bien aimé aussi l'apport de Dale Van Cleef, par exemple, ou d'Aim Burstein, parce qu'il parle de ça, hein, pas du tout dans son anthropologie politique, là, en 2013, mais dans son étude du mouvement du quartier Saint-Marcel, etc. Il le cite, mais je trouve qu'il ne le cite pas assez, parce qu'il en... Il le sous-utilise un petit peu. Voilà, bon, d'accord. Peu importe. Voilà. Et Joseph Clarke aussi, sur le culte des morts pendant la Révolution, qui a aidé à penser la question de la mort et de sa solution dans les religiosités. Bon, bref. Alors, sur la structure politique, surtout, le fait de, quand même, simplifier la structure politique aux relations entre l'Assemblée, la Cour et la rue, pour le coup, je trouve ça court. Hein. Bon, là, il y a une série de contre-pouvoirs ou de pouvoirs intermédiaires, comme la Commune, comme l'évêché, etc., etc. Il le dit pas assez. Les mécanismes révolutionnaires sont extrêmement simplifiés et je trouve que ça permet pas de comprendre les jeux, les clubs, etc. Bon, donc ça, il y a quand même des jeux politiques. C'est aussi la question du jeu politique qui, à mon avis, là, est évacuée dans l'analyse des structures politiques. Le jeu politique, je fais référence aussi à Michel Daubry, hein, peut-être un des plus grands, finalement, livres de l'histoire de la Révolution française. C'est un sociologue du politique qui l'a écrit, c'est Michel Daubry avec Sociologie des crises politiques. Je considère que c'est presque un des meilleurs livres sur la Révolution, qui dit pas son nom, hein. Donc le jeu politique qu'étudie Jean-Clément Martin, si on veut faire une histoire politique de la violence et de son instrumentalisation politique dans les rapports entre les groupes institués et la rue, comme il l'appelle, à ce moment-là, voilà, parlons du jeu politique, du jeu politicien, comme dit souvent peut-être Alexé Jean-Clément Martin, avec certains cynisme et pessimisme politique. Mais enfin, il aide à penser ça. Marissa Linton aussi, dans son dernier livre sur l'amitié, la vertu en révolution, qui justement se pose la question des contradictions des individus. Comment est-ce qu'on peut penser, et là je pose aussi la question du temps et des contextes et de la temporalité, comment est-ce qu'on devient quelqu'un qui défend la violence légale alors qu'on ne l'était pas du tout au début, ou même la violence légitime. Bon, ça c'est intéressant aussi, et à mon avis ça doit être peut-être un peu plus développé. Voilà. D'autre part, de quelle violence parle-t-on aussi, hein? Ça, c'est peut-être pas assez questionné. Une violence politique, la violence de qui? Quels sont les acteurs de cette violence? Alors qu'on sait très bien qu'elle est très polymorphe. C'est un des avantages d'ailleurs des études de Jean-Clément Martin. C'est un de ses défauts aussi, c'est qu'on a du mal à recomposer quelque chose de très cohérent et d'assez lisible. Mais enfin, il a eu l'avantage de faire éclater un objet. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais en tout cas, il faut poser cette question de la polymorphie de ces violences-là. Et puis, donc, c'est aussi la question, donc, à mon avis, quand même, de la temporalité, du temps long, avant la Révolution, après la Révolution, qui, à mon avis, l'historicité de ces violences-là. C'est-à-dire, la violence du début de la Révolution n'est absolument pas la même de celle de la période paroxystique de 93-94, qui est quand même un petit impensé, malgré tout, je trouve, dans cet article-là. Voilà. Moi, je trouve que... Voilà, c'est intéressant. Ça me rappelle quand même l'importance de l'analyse des temporalités, de l'analyse de la nature politique ou non des violences, et de l'analyse des violences comme objet du débat politique et public. C'est, à mon avis, un des problèmes principaux de la Révolution. Cet article-là, peut-être, aurait pu questionner ou pose de manière sous-jacente, en fait, et confond, je trouve, hein, la question de la violence et de la radicalité politique à de nombreux points de vue. Et c'est peut-être pas... tout à fait résolu. Enfin, deux mots simplement sur le deuxième article, parce que j'ai des questions à poser, mais enfin, c'est quand même, il m'a énormément convaincu du point de vue de la méthodologie, etc., etc. Il y a quand même un petit problème de source, c'est-à-dire que les adeptes parlent peu et qu'on ne sait pas trop, en fait. On a des écrits de cette Catherine Théo, on a les sources judiciaires. C'est un problème classique en histoire, hein. Mais enfin, ils sont cités, mais enfin, ils ne sont pas beaucoup mobilisés, et il y a des filtres qui sont, à mon avis, peut-être à questionner un peu davantage. Voilà. Oui, ils sont cités, mais pas assez. vraiment. Et ils sont pas. La nature de leurs paroles n'est pas assez, je pense, hein, questionnée. Voilà. Et puis je trouve que peut-être ce serait super intéressant aussi de mettre en relation cet usage politique de ces mouvements, qui est quand même, faut le rappeler, la principale énigme qui sont tolérés. Ce mouvement, il est toléré de fait. Je veux dire, il y a des centaines de personnes qui, pendant des mois entiers, vont là, au cœur de Paris. Pourquoi? Alors, on sait qu'ils sont surveillés. Pourquoi est-ce qu'ils sont acceptés comme ça? Ça montre à quel point il faut réintégrer la question de la religion, de la croyance, dans aussi la restitution peut-être d'une confiance politique, hein. C'est en partie la tentative de l'être suprême par Robespierre. Il explique bien que c'est une tentative concurrente. Peut-être mobiliser aussi le culte des martyrs, hein, en ce qui concerne les religions instituées, les cultes institués, qui pourraient peut-être faire dialoguer un petit peu plus ce qu'il analyse. Voilà. Et puis la mobilisation de la religion aussi à d'autres... plutôt issue, elle, de la contre-réforme et de la religion instituée, je pense. Alors, je l'ai un peu montré avec Charlotte Corday, hein, qui peut nourrir, elle, au contraire, la violence, hein, et la notion de martyr politique, etc. Voilà, j'ai été trop long. Non, merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cette présentation. Et alors, je passe tout de suite la parole à Clyde Plumosi pour un deuxième éclairage sur le même dossier. Quel plaisir de passer après Anne Simonin et Guillaume Mazot. Je vais avoir beaucoup de choses à dire, du coup. Alors, je vais peut-être réorienter un peu mon commentaire sur d'autres points qui n'ont pas été... ça va ? Qui n'ont pas été... peut-être encore souligné. En tout cas, je félicite vraiment la rédaction des Annales d'avoir mis en œuvre ce dossier, parce qu'on voit à quel point les violences révolutionnaires demeurent un objet chaud, contrairement à ce que Benigno d'ailleurs affirme dans sa note critique, je ne sais pas pourquoi, c'est une question. Et puis on voit bien, hein, nous en tant que citoyens, qu'aujourd'hui comme hier, en fait, les luttes d'émancipation, elles sont toujours sommées continuellement d'exorciser leurs violences. Donc peut-être que l'historien a un rôle dans ce travail d'exorcisme à opérer. Bien sûr, hein, que l'histoire de la Révolution française, elle ne se limite pas à l'analyse de la violence qui s'y est déployée, mais cette violence, elle semble encore frapper aujourd'hui la période et l'objet, hein, de révolution d'une sorte de discrédit qui a pu du coup conduire à plusieurs impasses historiographiques qu'on a déjà à peu près évoquées, hein, l'invisibilisation de la violence de la période révolutionnaire, on traite ça comme une sorte d'épiphénomène, la spectaculaire pardon, spectacularisation de cette violence hein, qui alimente ce que Jean-Clément Martin appelait la machine à fantasmes de la Révolution, donc les furies de guillotine, les enragés, les septembriseurs, etc. Et puis sinon à la moralisation de cette violence, dont l'évocation hein, en Révolution implique toujours une sorte de modèle explicite ou implicite du juste et de l'injuste, une sorte de partition des eaux révolutionnaires entre ce qui est donc ce que rappelait très bien Anne Simonin, la bonne Révolution et la mauvaise. Donc, ce dossier, il va à rebours de ces postures. Donc, on a, vous l'avez compris, hein, je vais être la troisième à le dire, une note critique, mais une note critique de quelqu'un qui ne se présente pas, et c'est bien dommage, d'un spécialiste de l'histoire des crises. C'est dommage qu'il ne se situe pas pour critiquer les ouvrages qu'il a rassemblé, un spécialiste de l'histoire des crises, hein, qui a notamment publié Le miroir des révolutions sur les révoltes et révolutions du XVIIe siècle. Donc, on a un point de vue particulier hein, pour interroger la dynamique révolutionnaire et sa radicalité violente ou non dans cette note. Et puis, donc, une étude de cas, plus, hein, sur cette mystique Catherine Théot. Et donc, ces deux opus proposent d'autres modes de lecture, d'autres objets hein, pour penser la violence révolutionnaire. Alors, ça commence, en fait, déjà par la couverture, le titre même du dossier, « Violence révolutionnaire », il y a un « S ». Mais ça, c'est très, très important parce que ce pluriel... En lui-même, il constitue une sorte d'entreprise de dénaturalisation. On ne parle pas de la violence, on parle des violences révolutionnaires. Et du coup, ça permet de semer le trouble. Alors ça sème tellement de trouble qu'effectivement, il manque peut-être une définition de la violence au final, au fil de ces deux articles. Mais en tout cas, ça interpelle, ça trouble et ça permet de montrer que la conflictualité, la violence ne peut pas se saisir comme une catégorie homogène pour penser la révolution. Et puis ça s'incarne aussi très concrètement dans les articles, dans la focale qui est soit présentée par Bénineau à partir des auteurs qu'il a sélectionnés, soit adoptée par son nom est très long, Francisco Javier Ramón Solans, qui en fait selon moi place la focale sur les formes d'expérience révolutionnaire. C'est ça, moi, que j'ai trouvé génial, en fait, dans ce dossier. C'est que, enfin, l'histoire sociale revient, les méthodologies... Alors, Guillaume parlait d'histoire politique. Moi, j'y vois l'histoire sociale. Hein. Chacun prêche pour sa paroisse, bien sûr. Mais, en tout cas, je trouve que cette attention aux pratiques, aux mécaniques de la violence, c'est le retour un peu de cet appel lancé par Le Petit en 95 dans son ouvrage dont je paraphrase le titre, hein, les formes de l'expérience. C'est le retour de cette focale au plus près des acteurs, qui met d'ailleurs en lumière plus particulièrement la question de la subjectivité, bien qu'elle soit ici abordée sous l'angle peut-être uniquement des émotions. Donc c'est sur cette focale que moi je vais peut-être plus m'apesantir. Pour traiter de ces deux articles. Alors en fait, ces articles, moi je les ai lus, j'ai fait un dialogue dans ma tête, hein, parce que c'est pas leur objet précis, mais je les ai lus comme une sorte de réponse à un appel qui avait été lancé par Daniel Roche dans les Annales en 89, donc pleine célébration du bicentenaire, triomphe sur la scène médiatique de Furet, qui fait de la violence révolutionnaire le péché originel de cet événement, et puis aussi la matrice des totalitarismes du XXe siècle. Et Roche, du coup, dans un article intitulé « La violence vue d'en bas », Réflexion sur les moyens de la politique en période révolutionnaire, dit, je cite, c'est la première ligne, hein, il faut réfléchir sur le problème de la violence pendant la Révolution française devient une nécessité. Bon, elle l'est toujours. Hein. Une réflexion à entreprendre d'abord comme citoyen et intellectuel, car on peut rester fidèle à la Révolution sans admettre les massacres, il dit. Et cette question éthique, c'est dommage, elle n'apparaît pas dans la note critique de Bénineau, hein, mais parler de la violence, ça engage le chercheur aussi, hein, sur comment la dire, comment la décrire, sans retomber peut-être dans la spectacularisation ou simplement l'analyse de stratégies dépassionnées. Donc d'abord comme citoyen intellectuel, mais aussi comme historien, hein, dit Roche, puisqu'il s'agit de comprendre, je le cite, les figures de la violence, du privé au public, et voir comment elles organisent actes et discours, et quelle est la réponse qu'elles apportent à des situations concrètes, hein, cette question du concret, elle est très importante, je trouve, dans ces articles, où se révèle l'anomie des temps. Donc lui, Daniel Roche, il propose déjà une première mise en pratique de cet appel à partir de deux témoignages autobiographiques d'hommes ordinaires, je le cite, des classes populaires, le vitrier Jacques-Louis Ménétra et le tisserand et cabaretier Louis Simon. Oui, Jacques-Louis Ménétra, c'est presque un ami de Daniel Roche, hein, vu à quel point il est sollicité régulièrement. Et en fait, à partir de ces deux autobiographies, il propose une sorte de lecture anthropologique, déjà, hein, des violences révolutionnaires. Violences révolutionnaires qui sont du coup capturées à hauteur d'homme. Et cette approche au rein des individus, qu'ils soient du commun ou de l'élite, on la retrouve en fait dans la présentation des ouvrages qui est faite par Bénineau, donc plus particulièrement évidemment hein, l'ouvrage de Burstein et Taquette. Et en fait, du coup, cette approche au ras des individus, moi j'y ai vu une deuxième réponse à un autre appel qui avait été lancé de façon discrète mais ferme par Deborah Cohen en 2011 dans la rubrique « Compte rendu des annales ». J'avais noté, je te cite dans ma thèse pour ça, où tu déplores que le thème de la révolution, les études révolutionnaires, je te cite, sont encore trop souvent coupées d'une histoire des subjectivités individuelles, des manières, qu'est-ce que c'est beau, individuelles de recevoir et de vivre la norme, conduisant par la même, c'est quand même le problème, à laisser dans l'ombre les catégories justement minorisées et marginalisées par le processus révolutionnaire, comme les femmes, donc voilà pourquoi moi ça m'avait interpellée quand je t'avais lu, et puis plus généralement les catégories populaire. Donc, dans le dossier, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas la révolution, mais les individus en révolution qui organisent le propos. Et du coup, c'est pour ça que moi, je le vois un peu comme le retour franc aussi d'une méthodologie de l'histoire sociale, une histoire sociale du politique qui réinvite le peuple, qui le précise dans ses figures, qui l'incarne. Alors, je parle peut-être plus des ouvrages qui sont mobilisés, peut-être que de l'approche de Bénineau dans le premier article, mais en tout cas, dans le second, hein, c'est patent. On a une attention très concrète des auteurs aux expériences individuelles de la Révolution, aux façons de faire, aux façons de dire des acteurs, qu'ils soient simples militants sans culotte ou députés. On a une attention aussi au peuple révolutionnaire, redéfini comme une communauté émotionnelle. Et du coup, ces entreprises de définition, ça permet de saisir non pas la violence, mais des processus et des configurations de violence en Révolution. Et ces configurations, que ce soit dans les ouvrages de Taquette, vous avez vu que je j'évite soigneusement celui d'Israël, je suis moins à l'aise avec l'histoire idéologique qu'il propose, mais ces configurations, elles font jouer cause macro, hein, la guerre, l'ébranlement de l'autorité politique, la menace contre-révolutionnaire, et action micro, donc réaction émotionnelle, transformation des seuils de tolérance à la violence, basculement dans le discours et l'action violente, on essaye de voir hein, ces points de bascule. Et du coup, pour faire jaillir peut-être ce qui est la spécificité émotionnelle du moment révolutionnaire, et que je trouve on voit assez bien dans ces deux articles, hein, parce qu'en fait, parce qu'elle bouleverse toutes les habitudes et les attentes quotidiennes, la Révolution, elle apparaît comme une période émotionnelle presque surnaturelle. Et donc là, je vais convoquer l'ami de Daniel Roche, Jacques-Louis Ménétra, qui, pour décrire l'ambiance de 1789, dit « ce mot de liberté si souvent répété, fit un effet comme surnaturel et échauffa toutes les têtes. » Et je pense que c'est vrai qu'à partir de ce simple témoignage, on se rend compte de la tension de l'émotion, qui est peut-être une violence en soi, en fait, faite à l'individu. C'est une suggestion de Michel Eudes, hein, qui a travaillé aussi sur Catherine Théraud et les mécanismes de la terreur, où il disait peut-être que voilà, la poudrière émotionnelle de la Révolution contraint les individus à faire des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. Et voilà, j'insiste hein, sur la qualité aussi de l'article de Francisco Javier Ramón Solans sur la démonstration très fine du Paris pétri d'émotions et de régimes de rationalité contradictoires qu'il décrit. On voit donc la rationalité des Lumières et puis la rhétorique révolutionnaire qui se jouxte, hein, jouxte côte à côte, le mysticisme et le millénarisme qui voilà, fabrique et façonne l'horizon d'attente de cette population de citoyens qui se construit. Donc, ce qui est intéressant avec ces auteurs, c'est que finalement, on a un basculement sur l'appréhension de la violence qui n'est plus vue comme la part anormale de la révolution, mais finalement peut-être la continuation de la révolution par d'autres moyens. Puisque finalement, quand toutes les habitudes, les attentes du quotidien sont renversées, quand la contre-révolution constitue quand même de fait une menace bien réelle et très redoutable, quand ces phénomènes sont là, l'angoisse, la peur, la colère, le désir de vengeance, tout ça, ça peut jouer un rôle important dans les comportements collectifs. Et en fait, jouer un rôle quasiment normal de régulation de l'événement. Enfin, c'est ce que proposent les auteurs, mais on reviendra sur cette question-là tout à l'heure. Et pour aborder cette question en fait, du rôle des émotions dans les comportements individuels de ce Paris révolutionnaire, de cette révolution française, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous oblige à changer nos méthodes, à adopter un regard qui est plus ethnographique sur la société, et du coup à mobiliser une documentation plus appropriée pour justement essayer de proposer cette connaissance par trace des émotions du passé. Et Burstein, il mobilise des sources assez intéressantes par rapport à ça, c'est des demandes de reconnaissance que les individus adressent aux autorités politiques. Ils utilisent aussi des sources judiciaires, des enquêtes judiciaires sur ces individus. Taquette, lui, c'est plutôt des égo-documents. Il prend des sources du fort privé, des correspondances, des autobiographies de l'élite révolutionnaire. Tout ça pour essayer d'approcher au plus près ces émotions par le biais des individus et de leur façon de se dire, de donner sens et forme à leur expérience de la révolution. Donc ça, pour moi, c'est important parce que ça permet de briser un peu le sens commun de l'anormalité de la violence révolutionnaire, de la restituer dans son contexte, de souligner même peut-être en fait la rationalité de ces réactions émotionnelles. Rationalité qui peut être, par exemple, quand on évoque les massacres de septembre, il ne s'agit absolument pas de cautionner ces massacres, mais d'y voir une réponse à la violence de la société dans un régime, une captation du monopole de la violence légitime de l'État. Essayer de pas de normaliser, mais en tout cas de déjouer le présupposé de l'anormalité de la violence. Bon, d'un autre côté, vous me dites, si on normalise pas, du coup, on est où méthodologiquement? Je ne sais pas trop. Je lance la question. Alors, Benigno, il met en garde quand même les lecteurs sur cette approche que proposent notamment Burstein et Taquette, parce qu'il dit c'est très bien le niveau micro, c'est très bien de le restituer dans un contexte macro, mais moi je vous propose un autre niveau qui ne devrait jamais être oublié, c'est celui du méso, processus politique révolutionnaire, celui des institutions, grosso modo. C'est-à-dire que c'est bien de voir le contexte, c'est bien de voir les dynamiques personnelles et interpersonnelles, mais il faut aussi voir les conditions organisationnelles de la violence en révolution. C'est là qu'on voit que cette personne qui a essayé de faire une sociologie politique des révolutions au XVIIe siècle revient avec son outillage méthodologique. Donc lui, il appelle ça la structure révolutionnaire. Je ne sais pas si le terme est particulièrement bien choisi, mais moi, j'aurais plus vu une sorte d'infrastructure, vu que c'est des organisations. Ce qui est important, c'est qu'il dit qu'avec la question des émotions, le piège, c'est de réduire du coup les individus à des vecteurs ou des supports émotionnels qui ne feraient que réagir, en quelque sorte, au contexte paroxystique dans lequel ils sont pris. Ce que veut montrer Benigno, c'est que ces émotions, cette violence et cette radicalité politique, elles ne sont pas simplement une réaction au temps révolutionnaire, elles peuvent être aussi une façon de prendre contrôle sur l'événement, à la fois de réagir, mais aussi de lutter contre l'oppression aussi, notamment pour les révolutionnaires. Parce que c'est ça, quand on parle de violence, il y a de l'oppression, il y a de la répression, mais il y a aussi de l'espoir, il y a de l'émancipation. Enfin, il faut penser un peu tous les termes de ce que peut amener la violence. Ce que Benigno pointe, lui, c'est que la violence, elle est constitutive de l'ordre politique révolutionnaire, certes, mais de l'ordre politique en général, parce que ses études sur le XVIIe siècle, vraiment, il essaye de remettre le désordre, la subversion, la violence au cœur de la façon dont les sociétés se reconstituent. De montrer en quelque sorte qu'elle est un baromètre de la dynamique politique de ces révoltes et révolutions. Alors, Ce traitement macro-méso-micro que propose Benigno, cette approche par le bas aura des individus, je la trouve très intéressante et je pense qu'elle gagnerait à un dialogue entre violence et non-violence. Guillaume a parlé des travaux de Maïka Alpo, on peut parler aussi des travaux de Guillaume Mazot. Il a fait un article qui s'appelle « La violence évitée, citoyen ordinaire face à l'assassinat de Marat », où justement hein, il essaye de traquer les mécanismes d'un événement non advenu, à savoir le massacre possible de Charlotte Corday, une fois qu'elle a été arrêtée, et qui n'a pas lieu. Et donc, en fait, ce serait intéressant, cet effort de contextualisation de la violence révolutionnaire par aussi la contextualisation de la non-violence révolutionnaire. Hein, Anne Simonin parlait de chiffrer la terreur, mais faut, comme Mika Alpo a fait, il faudrait chiffrer aussi la non-violence et aller plus loin, peut-être, dans la démonstration. Mais du coup, ça veut dire prendre son outillage d'historien du social, aller dans les sources, faire du traitement statistique, essayer de pas seulement qualifier cette violence et cette non-violence révolutionnaire, mais aussi la quantifier pour avoir des indicateurs et comprendre peut-être un peu plus ce que c'est de vivre en révolution. Alors, je vais finir sur l'article de Francisco Javier Ramón Solans. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il déplace la question sur les formes d'expérience de la violence. Alors, il y a violence dans le titre, mais des fois, on se demande si elle est centrale dans son propos. Mais elle l'est peut-être, de façon plus indicible, parce que lui, c'est pas tant l'apparition et les mécaniques de la violence révolutionnaire que son action à l'encontre des outsiders de la révolution. Ceux qu'il nomme, je le cite, c'est très joli, les exclus des archétypes d'une révolution masculine, héroïque et jeune. Alors évidemment, hein, quand on travaille sur l'histoire des femmes, tout de suite on dit « Ah, enfin, quelqu'un qui rend le sexe des individus à l'histoire », parce que Catherine Théo, c'est qui ? Bah, c'est quand même une vieille femme célibataire des classes populaires. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas dans la normalité du conjugalisme républicain ou du foutu patriote révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces prophéties d'immortalité, elles répondent aux besoins d'une population qui elle-même sont des outsiders par rapport à cette révolution masculine, héroïque et jeune. Alors malheureusement, l'article ne traite pas assez des variables sociologiques hein, des adeptes de Catherine Théo, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là, si on veut mieux comprendre ce à quoi elle répond en fait, ce à quoi son mysticisme répond. Il répond évidemment à ces vies fragiles en révolution, ces vies fragiles qui sont de toute façon récurrentes pour les classes populaires à l'époque moderne, mais qui sont renforcées par l'anxiété liées à la guerre et à la répression politique, ceux en quelque sorte qui n'ont pas tant vécu la révolution, hein, c'est pas les protagonistes triomphants de Burstein, mais que ceux qui ont vécu sous la révolution. Et ça, je pense que c'est vraiment important dans cet article, c'est de faire jaillir d'autres acteurs du commun qui ne sont peut-être pas des anti-protagonistes, mais en tout cas, c'est des protagonistes diminués d'une certaine manière. Et ça montre une autre façon d'être en révolution, d'une population anonyme qui, malheureusement, est encore peu souvent convoquée pour comprendre ce que la violence, par exemple, fait à la révolution. Et cette piste, elle est à poursuivre, je pense, parce que ça nous invite à saisir la pluralité des violences révolutionnaires, notamment dans les communautés d'exclus qu'elles instituent, qu'elles fabriquent. Et du coup, ça suppose pas simplement s'intéresser au discours des ennemis de la nation, à une histoire linguistique hein, de ceux qui sont... qui forment la communauté des citoyens régénérés, mais c'est voir concrètement les mécanismes des institutions révolutionnaires. Anne Simonin l'a très bien fait avec cette étude fine, vraiment des catégories juridiques de l'exclusion de la citoyenneté. C'est pas seulement saisir la loi de l'État, mais c'est saisir l'État en action sur la communauté. Et je pense qu'il faut encore continuer ce travail pour l'historiographie de la Révolution en insistant sur les pratiques des administrations sur le terrain, sur les individus, voire très concrètement, toujours avec un peu le regard ethnographique, les rituels de dégradation qui peuvent être institués dans l'espace public pour ceux qui sont considérés comme moins citoyens que d'autres. Alors je prêche pour ma paroisse, j'ai travaillé sur les prostituées à l'époque révolutionnaire. Elles ne sont pas exclues de la communauté régénérée du point de vue des lois, mais du point de vue des pratiques policières, des rafles, des contrôles de la circulation, de leurs arrestations fréquentes sans aucune motivation légale de la part des policiers, on voit bien qu'elles souffrent d'une forme de citoyenneté diminuée. Elles n'ont pas le même droit à la circulation dans l'espace public. Elles n'ont pas la même possibilité à l'autonomie et à la capacité de disposer de leur corps et des ressources qu'elles souhaitent en tirer. Donc voilà, moi je pense que ça ouvre plein de perspectives très très très très très stimulantes pour poursuivre l'histoire de la Révolution, mais j'invite vraiment à continuer cette approche au plus près des pratiques des acteurs, et puis si possible toujours avec en tête l'appréciation des logiques de genre, de classe, d'âge, de race, de sexualité, qui permettent de mieux définir les frontières de cette société révolutionnaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Clay, pour cette lecture d'histoire sociale de ce dossier. Je crois qu'on est tout à fait rassurés sur le fait qu'il restait des choses à dire après Guillaume Mazot et Anne Simonin. Et je crois qu'il en reste encore un certain nombre. Alors, je donne tout de suite pour cela la parole à Déborah Cohen. Ouais, je pense que, entendre Clyde, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre et puis à avoir confirmé qu'il y a quelque chose comme une histoire populaire au sens d'une histoire des classes subalternes ou des noms, comme tu as dit, des exclus de la Révolution française. Les femmes et le peuple, un peu. Parce que je retrouve vraiment dans ce que tu as dit, la manière dont j'ai lu ce texte. Du coup, alors je retrouve aussi le fait que moi, je ne vais pas non plus parler beaucoup de Jonathan Israël. Je pense qu'il y avait beaucoup de sens à rapprocher Burstein et Taquette. Je n'étais pas très convaincue du rapprochement avec Israël. Et je partage le jugement de Bédigno sur les faiblesses de cet ouvrage. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi il a vraiment voulu en parler, pourquoi il est jugé utile de l'évoquer. Vu qu'il n'a pas l'air de... Bon. Et, alors, j'ai été intéressée d'abord, en effet, par cette histoire de la vie affective et du rapport qu'il construit entre individu et collectif. Et ce que Benigno saisit très bien, je crois, et que Ramon Solins met en œuvre, c'est l'importance de cette histoire sensible aux émotions. On a pu parler d'emotional turn, affective turn, etc. Bon, peu importe. Mais... tous prennent en compte non seulement la peur, la haine, mais aussi la joie, l'enthousiasme. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, comme c'est les Annales qui ont publié ça, moi, je me suis demandé un peu, voilà, cette histoire des émotions, comment elle s'intègre dans l'histoire des Annales-là. Cette histoire qui a mis très, très longtemps à sortir des limbes, mais qui se reconnaît quand même comme grands ancêtres, les historiens des Annales, a commencé bien sûr par Lucien Febvre et son appel à une histoire de la vie affective. Alors, quand les Annales inventent, au fond, au début du XXe siècle, cette histoire qu'elle appelle l'histoire des mentalités, bon, c'est une histoire qui ensuite est mise à distance, évidemment, par le tournant critique de la revue. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on y revient? On s'en éloigne? En fait, ce que cherche Taquette, c'est bien ça. C'est le processus de création, non pas d'une idéologie, mais il le dit, d'une mentalité terroriste. Donc on retrouve ce terme, qui n'est plus un gros mot. Et Haïm Burstein parle aussi de mentalité populaire ou d'imaginaire populaire. Donc, il y a deux questions que mettent, me semble-t-il, bien en valeur le dossier, c'est-à-dire cette mentalité. Est-ce que, pour autant, est-ce qu'elle est bien historique? Est-ce qu'elle est en devenir? Est-ce qu'elle est susceptible d'une analyse processuelle? Et je crois que chez Burstein, on est bien dans une tradition fidèle, un peu à la manière dont Lévi-Brulle construisait la mentalité primitive, c'est-à-dire comme un principe de reconnaissance de l'altérité. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'utiliser l'idée de mentalité contre toute démarche universaliste qui postulerait une prétendue nature humaine, hein, violente, voilà, les révolutionnaires, toutes les révolutions sont violentes. Donc, il s'agit en fait d'un instrument contre l'anachronisme. Et on voit très bien aussi chez Burstein, et c'est souligné par Benigno, qu'il y a un jeu dans le temps de la mentalité. La mentalité, c'est quelque chose qui se construit, qui change, qui peut aussi se figer, parce que, Burstein, il me montre bien qu'au bout d'un moment, quand on est rentré dans une certaine manière d'être révolutionnaire, on a du mal à s'arrêter. C'est aussi un problème. Et on voit aussi très bien, ça j'ai beaucoup apprécié chez Solans, que le discours prophétique qui correspond à une manière populaire de répondre aux angoisses du temps, au fond, a une historicité, une plasticité historique incroyable. C'est-à-dire, c'est vraiment magnifique la manière dont c'est analysé, je trouve. Et chez Taquette aussi, la culture politique de la violence, c'est quelque chose qui est construit progressivement durci. Il montre très bien que la violence, elle ne fait pas partie du répertoire rhétorique des protagonistes au moment des États généraux ou même au début de la Constituante. Et elle vient en lien avec l'événement, avec le réel. Et Taquet et Solence soulignent les mêmes passages de la ferveur à l'enthousiasme quasi millénariste et à la peur. Donc je trouve, voilà, ça m'a intéressée, cette manière commune à Taquet, à Solence, à Burton, qu'on voit dans le dossier, de chercher, au fond, une mentalité violente, peut-être, avant la terreur et dans un processus de construction. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est que cette mentalité, elle n'est pas du tout incompatible avec une attention au jeu des acteurs. Tu l'as bien souligné. Et on voit comment la psychologie, c'est un terme qui revient là aussi, c'est plus non plus un terme tabou de dire ce sont des études psychologiques, alors que l'histoire s'était construite longtemps contre la faculté de psychologie. Psychologie, elle est la manière de comprendre comment le social et l'individuel s'articulent. C'est-à-dire que les mentalités, elles sont collectives, mais l'historien des mentalités doit prendre l'individu ou des individus pour les étudier. Donc ça, je trouve ça évidemment très intéressant, cette manière de partir des sujets, de leur voix. Alors peut-être qu'on n'entend pas assez mais enfin, c'est parce que ça tend la perche quand même vers ces individus qu'on a envie de les entendre plus, d'avoir leur voix, mais c'est quand même là. Et ça, c'est une autre manière de faire l'histoire de la Révolution, et notamment de la terreur, qui est, je sais pas, si on pense à Guénifet, qui est toujours dans l'institutionnel, voilà, là, c'est, on le fait autrement qu'à partir des lieux du pouvoir. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé aussi que cette manière de construire les mentalités, elle est fidèle à l'héritage de Fèvre, notamment parce que chez Fèvre, cette synthèse, elle se réalise de façon dialectique à travers des crises, crises qui sont vécues par l'individu, Martin Luther, la crise de 1525. Et dans le cadre des œuvres de Burstein et de Taquet aussi, ce qui compte, c'est l'événement. L'événement qui provoque une crise chez les individus, qui suspend un peu les déterminismes anciens et qui réorganise l'individu. Souligné chez Benigno, là, ce que rencontrent les individus de Burstein, c'est ce qu'il appelle un trauma. Il y a quelque chose quand même... un moment particulier. Alors, par contre, ce qui me semble exister chez Burstein, c'est aussi l'analyse d'une ritualisation, tout ce qui est de l'ordre de la fête, de la médaille. Et cette ritualisation, elle permet de fabriquer du consensus, c'est-à-dire elle permet la constitution d'une individualité collective, d'un peuple révolutionnaire. Finalement. Et ça, Benigno, il n'en parle pas du tout. Il n'en parle pas du tout. Pourtant, c'est absolument central dans le travail de Burstein. Et donc, il le laisse de côté volontairement. Parce qu'il me semble que chez Burstein, il y a une analyse par en bas de la participation qui produira un homme nouveau, de ce qu'il appelle donc ce protagonisme. Mais il y a aussi une analyse plus par en haut de la manière dont cette poussée participatrice, elle est gérée par un effort hégémonique de la part des groupes dominants. C'est-à-dire qu'il montre comment on va forger un consensus, comment la protestation du coup est traduite en termes politiques, comment en récompensant telle ou telle action, on la rend acceptable et collective, au fond. Et donc, je trouve que dans le reproche de ne pas prendre en compte la structure politique révolutionnaire, il y a quelque chose de pas complètement honnête. Parce que, en fait, tel qu'il le présente, oui, il n'y a pas. Mais en fait, dans l'ouvrage de Burstein, il me semble qu'il y a ce niveau que tu as pu dire méso. Pourquoi ? Parce que... voilà, l'étude du protagoniste, ce n'est pas juste une étude de la psychologie de l'homme révolutionnaire. C'est bien la manière dont la révolution se légitime et invente de nouvelles manières d'être en société et de faire société. Voilà. Donc, je... Alors, Au fond, ce qu'analyse Burstein et que Benigno ne dit pas, c'est ce qu'il appelle la fabrication du consensus. Et consensus, c'est une sorte de modalité du rapport entre l'exécutif et le peuple souverain en tant qu'il agit et à travers ses individus. Donc une articulation aussi entre le singulier de ces individus et puis le collectif qui se construit. Et je trouve au fond que c'est quand même... Enfin, que c'est très subtil, hein, cette manière dont il le fait. Et peut-être plus subtil que la prise en compte de l'appel au peuple des pressions d'un peuple, des pressions de ce que Benigno appelle les minoritaires, qui sont en fait minoritaires du strict point de vue de la représentation d'assemblée. Mais dont on pourrait contester qu'ils soient minoritaires du point de vue démocratique, puisqu'ils sont ils sont la représentation du peuple souverain. Donc cette idée d'un populisme, de cet extrémisme idéologique, en fait, moi, franchement, ça m'a fait penser à Guénifet, en fait. C'est très, très bizarre. Enfin, je ne sais pas si c'est son truc, ça lui. Mais voilà, il y a quelque chose. Au fond, d'expliquer la dynamique révolutionnaire par les luttes fratricides entre révolutionnaires, ça, c'est pas le plus nouveau. Donc, il expose trois ouvrages qui sont hyper nouveaux et puis conclut par quelque chose qui me semble ramène à du connu. Donc là, je ne sais pas. Encore le temps. Je veux dire un petit mot sur. Peut-être un petit mot sur la question des élites révolutionnaires et des masses populaires aussi. Peut-être on pourra du coup dire un mot sur la manière dont tu parles du livre de Sophie Vanish. Bon, elle est pas là, mais. Oui, je voulais parler de Zoubine, mais... Vas-y. Ouais, non, alors... T'as 5 minutes. Non, mais j'attends encore un peu de temps et on n'est pas... Oui, d'accord. Près. Non, un mot sur peut-être... Je trouve que le propos de Benigno, disons, est parfois un petit peu ambigu et a tendance à... qu'il montre pas... Enfin, c'est peut-être le propos de Taquet. C'est-à-dire, Benigno, il reprend l'idée que chez Taquet, ce sont non seulement les masses populaires, mais aussi... Il le dit comme ça, là, je le cite. Ce sont non seulement les masses populaires, mais aussi les élites révolutionnaires qui sont terrorisées. Et comme si, au fond, ces dernières devaient, par leur éducation, leur culture, etc., leur réseau, échapper à l'irrationnel de la peur. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée chez Taquet qu'au début donc, de la Révolution, les élites sont en grande majorité éloignées des rumeurs. Elles sont plus sceptiques face aux bouches à oreilles et elles sont un peu consternées par les émotions et les violences de la foule. Et justement, il y a, il me semble, au fond, j'ai l'impression que Benigno, il adhère à ça, il adhère à cette idée que la violence et la rumeur, hein, qui sont, enfin, sont quelque chose de la foule. Et quand il évoque le livre de Mika Alpo, il le cite juste, comme tu disais, juste en note, et il le prend pas vraiment en compte. Donc voilà, je trouve qu'il y a cette ambiguïté sur la figure du peuple, alors que l'article de Solans montre une autre réponse populaire à la peur et force à poser autrement la question. C'est-à-dire, et si la peur était propagée peut-être avant tout par le haut, par les élites et peut-être la violence aussi, et notamment dans la pratique de la dénonciation. La dénonciation, c'est une pratique qui est encouragée comme une vertu par le haut, qui est renforcée par les clubs et les sections parisiennes. bon, avant d'être institutionnalisé. Donc, là-dessus, j'avais quelques questions. Et dernier point, peut-être, sur la question des discours dans ce texte, que c'est dans ce volume. Il y a une idée, je trouve, qu'on retrouve chez Tackett et chez Burstein, qui me semble très, très passionnante, qui est de prendre en compte la Révolution comme événement de parole. On voit bien. Chez Tackett, évidemment, cette parole, c'est avant tout celle de la rumeur, celle de la dénonciation, qu'il prend comme des actes, qui sont des actes de communication en période d'incertitude, en période de difficulté, quand il n'y a pas de confiance dans les institutions. Et c'est aussi l'analyse de la rhétorique antirévolutionnaire. Mais au fond, bon, j'aurais peut-être, c'était l'occasion, je trouve, de réunir ces trois textes, de repréciser cela, alors que Benigno, il souligne, il reprend, il souligne avec, en adhérant à l'idée d'une simplification du discours qui serait consécutif au fond à la participation populaire, qui serait consécutif à l'élargissement de la participation. Alors, je me souviens plus exactement, chez Burstein, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, en fait. Il parle des limites, des naïvetés, des faiblesses du discours populaire. Il parle de démocratie abusive. Démocratie abusive, c'est-à-dire chez ceux qui ont le moins l'habitude du discours, qui se laissent entraîner sans fin par les mots, par l'imitation des modèles officiels. Et il cite Mercier, qui évoque une logomachie sectionnaire. Il cite Quatremer de Quincy, qui est un philosophe, critique d'art. Donc, des gens qui sont un peu des gardiens du temple des mots. Ouais. Et c'est des gens qui fixent la limite entre eux, qui a le droit de parler, qui peut être entendu, qui est légitime pour dire, et les autres. Et donc, cette idée de démocratie abusive ou de simplification du discours consécutif à l'élargissement, comme le reformule Benigno, moi, ça me gêne un peu parce que je me demande dans quelle mesure, au fond, c'est une forme de protagonisme qui n'est juste pas légitimé par les contemporains. Et par Haïm Burstein ensuite. Exactement, finalement, comme le discours de Catherine Théo, me semble-t-il, et les autres discours prophétiques, il y a des formes de discours qui ne peuvent pas être entendues et qui sont tout de suite renvoyées à la violence, qui sont considérées comme des causes de violence. Alors que, c'est des manières non légitimes d'exprimer des choses sans doute qui circulent, parce que ce que montre bien Burstein dans son texte, et au fond aussi Tackett le montre aussi, c'est que ces discours des gens moins habitués au discours, en fait, c'est des formes d'imitation de discours légitimes qui existent. Et donc, au fond, quel est l'idée que ça serait que la violence et que le discours extrémiste viendrait du populaire, c'est quelque chose qui me paraît assez contestable et que l'article de Solange permet, lui, un peu de détricoter et de mettre en question. Merci beaucoup, Déborah. Et pour cette troisième lecture qui éclaire encore différemment le rapport entre les deux textes et la manière dont on peut finalement les lire, et on a bien vu qu'il y avait des façons à la fois complémentaires ou aussi de mise en tension entre ces textes, et tu viens de le montrer très bien. Alors je vous propose maintenant qu'on fasse un rapide tour de table les uns les autres pour revenir sur ce qui a été dit, si vous souhaitez réagir, en particulier en commençant par Anne, ceux qui ont parlé au début, sur quelques points, mais vraiment en deux minutes chacun, si vous le souhaitez, et puis qu'après, on ait une discussion plus générale et plus large. Alors, peut-être Anne, est-ce que... Alors, deux minutes, Anne, hein, donc... Oui. Non, je sais pas, tout à l'heure j'ai dit 5 et elle en a pris 15, donc je sais que 2. Non, mais je vais même pas prendre ça. Non, je trouve que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement cet exercice de lecture croisée auquel vous vous êtes admirablement prêté à différents niveaux. Et je pense que ce qui signale l'intérêt d'un article, c'est effectivement ce qui permet de déplacer. Et donc après, il n'y a pas d'article parfait. Vous avez vu dans les critiques qui ont été formulées, c'est très bien. Mais il faut vraiment insister là-dessus, ce qui donne à penser et à se positionner. Et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît, à mon avis, les articles intéressants des autres. Voilà. Oui, merci. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Là, pour le coup, au titre de la rédaction, c'est vrai que lorsqu'on publie des textes, alors il y a des textes, je le dis souvent dans ces débats, il y a des textes qu'on commande, qu'on va chercher, il y en a qu'on reçoit. Enfin, il est très compliqué de faire la typologie de tout ce qui est publié dans une revue. Mais effectivement, il arrive que nous-mêmes, on soit pas d'accord ou qu'on ait beaucoup travaillé avec un auteur pour le faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc, ces textes ont effectivement tous une histoire. Le fait qu'ils soient publiés dans la revue nous semble... moins le signe que tous les membres du comité de rédaction l'endosseraient et signeraient au bas du texte avec leur sang, que le fait que c'est des textes qui nous ont paru à la fois suffisamment bons, suffisamment forts, et suffisamment problématisés, et aussi problématiques parfois, parce que parfois on en a beaucoup discuté entre nous, pour être publiés et pour être donnés à lire plus largement. Oui, deux mots simplement. Moi, je n'ai pas lu de la même manière que... que vous, hein, le premier texte. En particulier parce que je trouve que les lectures qu'il fait des trois auteurs, et c'est pour ça qu'il faut le penser avec Jonathan Israël, je pense, même si c'est évidemment pas les mêmes genres d'explications, c'est à la fois une lecture compréhensive, intelligente, etc., mais il s'en débarrasse un petit peu pour s'en débarquer. Et donc, j'ai insisté sur sa proposition à lui, qui me semble quand même tirer beaucoup plus vers une histoire un peu... appelé à une histoire incarnée des pratiques politiques et du jeu des institutions politiques avec les liens avec les acteurs, c'est vrai, rapidement. Mais en réalité, il ne mobilise pas les choses pour ça, peut-être pas assez. Et d'autre part, c'est déjà largement fait. Enfin, Haïm Bursting, dans sa thèse sur le Faubourg Saint-Marcel, c'est exactement ce qu'il fait, en fait, et de manière hyper fine et tout. Bursting vaut mieux que ce qu'il dit, je pense, dans son analyse de l'anthropologie révolutionnaire. Enfin, vraiment. Et c'est ce qu'en fait en grande partie aussi Martin. Enfin... Bon, et plein d'autres auteurs qui ont travaillé sur les violences dans le Sud, je pense à Soto Casa, etc. Enfin, cette histoire du jeu entre les acteurs et les institutions, je pense qu'elle est déjà en fait grande partie faite, ou sur la garde nationale avec Roger Dupuis. Enfin, bon, donc j'étais un peu surpris en fait, du coup. C'est pour ça que, en revanche, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas tellement discuter de Taiket et de Bursting, qui, pour le coup, je suis assez d'accord avec sa lecture du Taiket, assez critique, mais. Et voilà. Et puis la deuxième chose, oui, ça montre aussi l'importance, ce que vous avez dit, enfin, j'étais très intéressé, l'importance d'une histoire épaisse de la violence qui intègre la question, pas tellement de la non-violence, parce que est-ce que ça existe vraiment sous la Révolution, la non-violence, hein, vous voyez, hein. Bon, mais en tout cas de la violence qui n'est pas arrivée et qui aurait pu arriver à chaque moment. Ça, c'est fondamental. Taiket, Alpa, fait des stats, hein, c'est-à-dire qu'il le chiffre, ça. Hein. Mais enfin, il reste cette histoire épaisse-là, et puis une histoire qui doit être située, quoi, située dans le temps, avec des jeux d'échelle. L'apport de la sociologie pragmatique est vraiment... elle est quand même de plus en plus utilisée aussi pour analyser ces pratiques de violence. Voilà, c'est tout, c'est ce que... j'ai trouvé intéressant dans ce que vous avez dit, merci. Merci. Clyde, tu souhaitais me dire quelque chose ou... T'es pas obligé non plus, hein, enfin... Non, mais... Sinon, on peut peut-être attendre peut aussi, questions, voilà. Je suis tout à fait d'accord simplement... avec Guillaume. J'étais très contente qu'il se charge de la partie politique, en fait, du propos du Benigno, parce que je suis moins à l'aise avec ce versant, et c'est vrai que je trouve que la proposition qu'il formule à la fin n'est pas novatrice. La preuve en est qu'il cite Bachko, enfin, je veux dire, qui a 20 ans d'âge en termes de référence, qui est très, enfin, je veux dire, qui est très intelligent et qui fait toujours une bonne citation, mais je veux dire qu'il n'est pas non plus novateur dans ses propositions méthodologiques maintenant, en 2017. Voilà. Non, mais moi j'étais d'accord. D'accord aussi avec les questions qui restent en suspens. De quelle violence parle-t-on? Vraiment, ça c'est important. Ça devient une sorte de, en effet, de grand fourre-tout. qui subit la violence, quand. Par contre, sur le fait que la temporalité n'est pas pensée, je ne sais pas pourquoi tu disais ça. Moi, au contraire, ça m'a vraiment intéressée de voir qu'il y a une construction individuelle et collective de mentalité violente qui montre bien. Et puis l'insistance sur que tu as souligné une forme de rationalité, briser le sens commun de la normalité de la violence. Ouais. Je trouve ça très productif. C'est peut-être ça qui, quand il dit c'est moins chaud, hein, ouais. C'est ça qu'il veut dire aussi. Ouais. C'est-à-dire peut-être tout de suite dire oh mon Dieu quelle horreur, mais juste dire c'est un phénomène comme les autres et on va l'analyser. Et alors du coup, par rapport à ça, je me permets de rebondir, mais peut-être qu'il aurait fallu resituer sur la violence extrême. Enfin, par rapport à ça, justement, tout est violence, et puis d'autant plus qu'on essentialise le peuple à une forme de violence brutale, hein, comme de réaction presque animale dans sa participation politique, alors c'est juste qu'on ne sait pas décrypter les scripts cachés qu'il y a dans leurs actions. Enfin, Thompson, ici est livré. Peut-être qu'on pourrait essayer de le faire aussi pour la période révolutionnaire. Mais ça repose le problème des sources, une fois de plus, et notre capacité aussi de traduction de ce langage du passé. Mais je pense peut-être qu'effectivement, il faut... cibler une forme de violence, notamment pour interroger la terreur avec des guillemets, et puis la période révolutionnaire, qui serait cette violence de l'extrême, quand le jeu politique n'est plus possible, en gros, quand la violence prend le pas sur la dynamique politique. C'est un appel. Enfin, ça a été fait, hein, mais je veux dire, ça n'apparaît peut-être pas de façon suffisamment centrale dans l'article. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on élargisse le débat. Et je crois qu'il y avait déjà des questions ou des interventions dans la salle. Attendez, juste, on a un micro parce que tout ça est enregistré, vous pourrez le réécouter ensuite. Bon, merci. D'ailleurs, si vous pouvez vous présenter, juste dire votre nom avant. Serge Averdam. C'était complètement spontané parce que, effectivement, cette réflexion ultime sur la violence ultime, dans deux directions, là, je vais l'aborder. Chacun sa formation. Moi, j'ai toujours été très frappé de l'absence de curiosité des auteurs. Sur les mutineries. Les mutineries dans la structure d'État, les soldats se révoltent dans les régiments d'infanterie, dans les équipages de la flotte, dans les arsenaux. Il y a là des bagarres à grande échelle sur tout le territoire pendant une longue période. Il y a des châtiments extrêmement violents qui sont appliqués. Pas de réaction. Alors qu'on peut y compris se livrer à des comparaisons internationales. La grande mutinerie de 97 dans la flotte britannique, c'est un phénomène majeur, vous voyez, avec la répression. Et en plus, c'est connecté avec des comportements, avec des origines, avec des schémas cachés, bon, celui des Irlandais dans le cas de la flotte anglaise. Et bon, évidemment, ça a un rapport avec la situation en Irlande, l'expédition de 98, la révolte. Je trouve que certains aspects de la violence extrême n'entrent pas dans ce qui... Bon, évidemment, le numéro s'appelle violence au pluriel. Tout est pardonné, comme dit l'autre. Mais c'est du point de vue du travail. Et l'autre aspect qui, moi, actuellement me fascine, c'est un autre aspect de la violence. Alors, c'est une autre violence. C'est la violence de la monnaie. C'est-à-dire, bon, votre salaire ou vos économies ou les deux disparaissent. Et est-ce que vous vous battez pour maintenir la valeur de votre monnaie et la valeur de ce qui vous est payé quotidiennement par rapport à ce que vous dépensez. Et ça, c'est bon, ça va revenir parce que bon, on y travaille. Mais je veux dire, là, il y a une perte. Je veux dire, je viens de chez Mandrou. Je suis persuadé que toutes ces affaires de mentalité, de comportement, mais on a maintenant une perte de rapport avec des choses qui sont matériellement décisives et qui ont été, je veux dire, les familles françaises qui ont conservé jusqu'à aujourd'hui des liasses d'assignats qu'on trouve facilement dans les... C'est cette violence-là dont ça porte témoignage. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que, à la fois, je suis complètement passionné par ces exposés. Je pense que le numéro doit être passionnant à lire. Mais c'est les violences extrêmes qui m'échappent. Voilà, Merci beaucoup. Juste pour information, Charles Walton est en train de travailler sur la réciprocité et aborde cette question quand même des questions de la violence financière en particulier, etc. Et Lynn Hunt aussi. est en train de... Voilà. Et donc, il y a des travaux qui tournent autour de ça en ce moment. Il y a Rebecca Spang qui fait un truc sur Stuff and Money. Mmh. Mais des travaux sur le mécanisme lui-même... Mmh. Il y a d'autres interventions Ouais, Antoine Lilti. Merci à vous quatre. C'était passionnant. C'était vraiment très, très dense et riche. Hein, vraiment, merci beaucoup. Et sauf que je connaissais les articles, et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir de vous écouter. Alors, je voulais avoir votre réaction, en fait. Aux unes et aux autres, sur un aspect qui me paraît en filigrane, en réalité, des deux articles, mais pas explicité dans aucun des deux, qui est la question de la singularité ou de la désingularisation de la Révolution française et de son histoire. Parce que Anne a rappelé en introduction que la Révolution française fonctionne, au fond, sur le mode qu'il y a une fétichisation de la Révolution française, c'est-à-dire l'affirmation d'une singularité absolue de la Révolution française, qui est la matrice, matrice des révolutions, matrice des violences révolutionnaires, matrice de la modernité, etc. Et au fond, cette fétichisation, cette singularité, alors on peut s'en satisfaire, on peut d'abord, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif, hein, dans les deux sens, donc on peut s'en satisfaire, et il faut bien dire qu'en général, les historiens de la Révolution française s'en satisfont très bien. Ils ont, on peut dire, même un intérêt professionnel à l'entretenir. Oui, mais il y a une autre possibilité qui est évidemment de travailler à la désingularisation de la Révolution française. Et pour cela, au fond, il y a deux manières de faire. L'une qui est la mise en série de la Révolution avec d'autres moments révolutionnaires contemporains. Il faut penser évidemment à la Révolution américaine, dont on sait maintenant qu'elle est aussi violente, elle a des potentiels et même des traces de violence qui n'ont rien à envier à celle de la Révolution française, ou des révolutions postérieures ou antérieures. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très important que Clyde ait rappelé que Benigno est un spécialiste du XVIIe siècle et que son travail de recherche portait sur les crises du milieu du XVIIe siècle et que son apport principal a été justement d'affirmer la dimension proprement révolutionnaire, un miroir des révolutions, de la grande crise européenne de 1748, aussi bien à Naples qu'en Angleterre qu'en Catalogne, qui traditionnellement n'étaient justement pas pensées comme des révolutions, justement parce qu'on considérait que le modèle révolutionnaire, c'était la Révolution française. Et de ce point de vue-là, on peut lire le travail de Benigno comme justement une manière implicite de regarder la Révolution à partir, hein, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Clyde, à partir d'une vision d'une histoire des crises révolutionnaires. Et de ce point de vue-là, moi, je le mettrais pas en parallèle avec le travail de Guénifé, qui me paraît au contraire ressortir d'une fétichisation, alors négative si on veut, mais d'une fétichisation aussi de la Révolution comme matrice des formes de violence, des pathologies démocratiques, mais au contraire plutôt dans une tradition qui est celle de la sociologie historique des révolutions à la Charles Tilly ou plus récemment, je crois que c'était Guillaume qui rappelait d'autres types de... la sociologie des crises politiques de Daubry, c'est-à-dire effectivement une réflexion politique, hein, et je pense qu'en fait sa principale cible là c'était Jonathan Israel, c'est-à-dire contre une histoire intellectuelle qui singularise le moment révolutionnaire, une histoire, une sociologie politique des crises révolutionnaires qui implicitement, c'est vrai que c'est pas explicité, c'est dommage, met la révolution en série. Puis l'autre dimension, je finis rapidement, mais l'autre dimension, l'autre manière de désingulariser, c'est de réinscrire la révolution dans une durée plus longue, et ça, l'article de Solans le fait aussi rapidement, mais le met en filigrane, c'est-à-dire la durée plus longue de la transformation de la société parisienne du XVIIIe siècle, du jansénisme, des formes de millénarisme, etc. Donc voilà, moi j'avais cette lecture-là et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce... Est-ce que c'est un potentiel, cette désingularisation pour l'historiographie de la Révolution française, ou au contraire un danger ? Merci beaucoup, Antoine. Alors, qui souhaite répondre et dans quel ordre ? C'est un danger, bien sûr. Bien sûr. Mais non, mais... Ça, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Je veux dire, même si, effectivement, je pense que dans l'article de Benigno, c'est pas tellement dit. On voit bien qu'il mobilise des outils qui sont applicables à des types de crises politiques, puisque c'est ça son objet, différentes. Mais on l'aura compris, je ne trouve pas que ce soit assez peut-être développé. Alors c'est peut-être dans la longueur de l'article. Il aurait peut-être dû passer peut-être moins de temps à analyser les trois articles, à filer sa proposition qui méritait d'être creusée, je trouvais. Enfin, qui est un peu, du coup, je trouve que ça vient, c'est un peu court à la fin, du coup. Hein. Mais effectivement, on sent qu'il y a cette possibilité-là. C'est-à-dire, il nous donne des outils qui nous permettent d'analyser des crises politiques en général, y compris des crises révolutionnaires. On a tout à gagner à ça. Par exemple, la terreur. Là, dans l'histoire mondiale de la France, j'ai écrit un article sur la terreur qui essaye de faire une lecture européenne. Non, c'est pas un phénomène complètement français, même s'il y a une particularité de l'état d'exception en France qui se met en place, etc., parce que la crise est plus forte, etc., etc., mais en réalité, il y a un ensemble de décisions législatives, politiques, etc., qui sont prises dans un certain nombre de pays, liées aux migrations, liées à la peur de la propagation des idées révolutionnaires et de la violence, qui sont comparables, qu'il faut comparer. Donc il n'y a pas une spécificité. Même s'il y a des nuances nationales. Voilà. Bon, donc oui, complètement. Et alors le deuxième article le prouve et le démontre complètement. Enfin, là, pour le coup, oui, évidemment, on est à cette heure-là, quand même. Enfin, là, je crois qu'il n'y a plus... j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui fétichisent et qui nationalisent à ce point l'histoire de la Révolution française. Et même institutionnellement, maintenant, on y a de moins en moins intérêt, puisque l'Institut d'histoire de la Révolution française n'existe plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions aux remarques d'Antoine Hilti? Moi, je voudrais juste prolonger du coup la question. Est-ce que c'est possible d'avoir les coulisses de la rédaction de l'article? Parce que moi, quand j'ai vu que c'était Benigno qui écrivait sur violence révolutionnaire, je me suis dit, on va voir le miroir des révolutions en acte. On va avoir justement cette désingularisation de la violence révolutionnaire en particulier, et puis de la Révolution française en général. Et ça n'apparaît absolument pas. Alors, quid de ce tabou. Est-ce qu'on a le droit d'avoir les V1 des articles ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse. Qui a demandé de réécrire? Je me dis, bon, voilà, c'est 18 ans après le miroir des révolutions, mais quel ouvrage pour les historiens comme nous qui avons été forgés justement avec une approche très franco-centrée du phénomène révolutionnaire, d'avoir eu ça à disposition. Donc, si c'est possible d'en savoir un peu plus. Dire quelques mots sans. Dire quelques mots sur deux aspects de l'article de Benigno que, effectivement, moi je lisais, et je pense que le fait de l'avoir discuté en amont, je le lisais aussi comme Antoine Hilti. Tout d'abord, un premier aspect qui est le genre de la note critique, et qui effectivement est un genre particulier, un genre qui n'est pas si facile, précisément parce que le plus souvent, il articule une lecture critique de collègues et des idées, plus ou moins construite au moment où on lit les livres, mais tout de même un corpus de thèses. Et bon, quand vous lisez des notes critiques, vous savez très bien que une grande partie de la difficulté, quand on est éditeur, consiste à articuler le propos de l'auteur entre ce que lui veut dire, ce que lui veut faire dire au livre et ce qu'il va dire des livres. Et je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, peut-être que la question de la position finale aurait pu être plus développée, mais je crois qu'en même temps, il a voulu servir en partie les livres et même essayer d'en mettre d'autres pour se situer dans cette perspective. Alors, ensuite, je pense que dans la perspective de Benigno, les choses sont en partie aussi venues de nous ou d'échanges avec lui, parce que il arrive aussi que des notes critiques naissent de très longs comptes rendus ou de discussions avec les auteurs sur d'autres textes qu'ils nous proposent et dans lesquels on leur fait remarquer que l'aspect historiographique prend une telle place qu'il finit par devenir finalement l'objet de l'article et que dans ce cas-là, on souhaiterait plutôt développer les choses dans cette direction-là. Mais je pense que pour bien comprendre aussi le texte de Benigno, il faut le replacer... à la fois dans sa démarche personnelle récente, qui est aussi une démarche où la longue durée prend en ce moment une importance de plus en plus grande. Et en fait, le texte précédent qu'il avait publié dans les annales était un texte sur le 19e siècle. Et était un texte qui portait sur la question des rapports entre violence, société secrète et politique dans le Mezzogiorno. Et effectivement, la révolution devient de ce point de vue-là, je pense, une étape dans son outillage, mais dans une réflexion qui s'inscrit dans une temporalité devenues différentes. Et devenues différentes aussi parce que je pense que l'horizon de référence de Benigno, et c'est en ça aussi qu'il est intéressant, je pense, pour nous, c'est celui d'une histoire sociale italienne qui prend le politique à travers cette problématisation d'histoire sociale, alors héritée, disons, oui, d'une sociologie historique assez marquée par Marx à l'origine, et qui finit par penser le politique à partir du cas italien, c'est-à-dire un cas dans lequel les institutions sont... alors je dirais faible, c'est un peu fort, mais disons que dans ce qui le travaille depuis le XVIIe et jusqu'au XIXe siècle, il y a cette question-là. Alors, bon, c'est pas dit pour vouloir absolument défendre le papier ou expliquer l'arrière-plan, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête pour comprendre comment une partie de nos attentes peuvent être déplacées par rapport à son horizon de référence à lui quand il écrit ce type de texte. Et donc, c'est vrai que nous, c'est autour de ça qu'on a porté. Mais maintenant, c'est vrai qu'en vous écoutant, s'il fallait éditer une nouvelle version du texte, je l'orienterais à nouveau dans des directions un peu autres après vous avoir tous entendu lire son texte. Et qu'au fond, ce qu'on a fait là, c'est le prolongement de ce qu'on fait dans un comité de rédaction, tous ceux qui participent à des comités de rédaction le savent, c'est-à-dire réfléchir à la manière dont un texte peut évoluer une fois qu'on l'a lu collectivement. Du coup, peut-être, avec ce que tu dis, je comprends mieux la place du commentaire sur Israël. Parce que vraiment, moi, non, je ne voyais pas ce que ça venait faire là. Je me disais, en fait, il trouve ça pas intéressant. Pourquoi il en parle ? Et en fait, en effet, je comprends que c'était une sorte de jeu avec... puisque Israël a cette proposition de... voir la révolution comme une sorte de matrice du fascisme, faire contraster des positions qui en effet désingularisent, mais tout sans créer une continuité qui l'ancre quand même dans une mentalité, mais une mentalité qui n'est pas un universel après. Quoi. Donc, peut-être que cette idée-là me paraît... Du coup, je comprends à quoi ça sert. Parce que c'est ça, quand tu dis désingularisation, est-ce que c'est un potentiel ou un risque ? Ça dépend ce que c'est que cette désingularisation. Enfin, si c'est... trouver des mécanismes universels, oui, c'est pas intéressant. Mais c'est pas si c'est au contraire voir des pratiques qui sont dans la longue durée, oui, là, c'est absolument essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres où tu voulais, Anne, tu voulais intervenir? Une chose sur la désingularisation. Tu sembles apposer que, à la fois dans le trans historique et dans le transnational, mais il y a aussi notre forme de désingularisation de la révolution qui est dans la remise de liens avec ce qui vient après. C'est-à-dire qu'on est tellement, ça a tellement été un discours sur les origines et la monopolisation de la parole légitime sur les origines de la nation ou les origines de la France. Et il me semble qu'il y a des tas de choses qui apparaissent qui sont, parce qu'elles se produisent sous la Révolution, au moment de l'an 2, qualifiées d'absolument monstrueuses. Mais aurait-on, par exemple, la législation napoléonienne que nous avons sur la répression du complot et d'État s'il n'y avait pas eu la loi du 22 Pré-Réal, et qui est la loi pour les révolutionnaires de réorganisation du tribunal révolutionnaire. Et donc, il y a aussi dans la Révolution une sorte d'origine barrée qui fait qu'on ne rapporte pas à des choses, parce que c'est conçu sur le mode du super exceptionnel au moment, à l'époque, mais ensuite, ça se naturalise. Et c'est pour ça que je pense que le droit a une telle importance de ce point de vue-là. C'est qu'il y a une véritable continuité sous-jacente qui est apportée par le droit et dans laquelle on ne va pas trop fouiller. Et on ne peut pas voir... justement, le passage de l'exception exceptionnelle, monstrueuse, à quelque chose qui est devenu qui est devenu la façon de poser le problème de la répression d'État. Si tu cherches l'interprétation de ce qu'est l'intelligence avec l'ennemi, eh bien là, je suis en train de me rendre compte en travaillant qu'il s'agit de quelque chose qui est dans la jurisprudence du tribunal révolutionnaire au moins de l'an 2. Voilà. On part d'une notion qui est inventée en 1791 et on va trouver la définition de cette notion qui sera appliquée pendant la libération de la France, puisque l'intelligence avec l'ennemi va avoir, sous la forme de l'article 75, une importance absolument décisive. Et ben ça se joue au moment de la pire des répressions de la terreur. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Je dis simplement que le super exceptionnel, quand on désingularise, alors aussi... C'est normalisons cet héritage, voilà, sur la longue durée. Il me semble aussi que en fait, plus on est dans une histoire des idées abstraites, plus on est dans l'exceptionnalité, et plus on rentre dans le concret, plus on est au ras du sol, plus il y a des choses. Ordinaires et du coup qui peuvent être mises en réseau avec d'autres gestes, d'autres paroles. Et il me semble, du coup, ça ne m'étonne pas non plus que celui qui arrive, enfin, qui est le plus dans une forme de désingularisation, ça soit Israël. Quoi. Et ce que le. Il me semble que si. Voilà, la manière de rentrer dans le détail des archives et ce qui permet de faire des liens avec d'autres choses. Oui, est-ce que par rapport à ça, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord avoir une approche constructiviste de l'objet, c'est-à-dire désingulariser pour balayer l'essentialisation du phénomène révolutionnaire, mettre en réseau, mettre en série des paroles et des actes, pour faire rapidement, pour après resingulariser l'événement quand on doit livrer des résultats quand même sur cet événement révolutionnaire et les résonances qu'il peut avoir dans notre présent. Enfin, quand on a Karine Le Marchand qui interroge, c'est Karine Le Marchand. Oui, qui interroge Jean-Luc Mélenchon en disant « Mais vous êtes pour la révolution ? Ça veut dire que vous voulez des têtes au bout de pique ?» Ben voilà, je suis désolée, c'est anecdotique comme exemple. Et en même temps, ça montre l'importance de penser quand même la singularité de l'événement révolutionnaire pour notre présent. Donc, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas répondre par une pirouette en disant « Bah oui, désingularisons pour resingulariser dans un dernier temps ?» Mais désingulariser, c'est pas amalgamer. Non. Ouais, justement, oui. Ouais. Forcément. Karine Le Marchand. Qui est Karine Le Marchand ? Anne demande qui est Karine Le Marchand. Anne Simona. Ce qui montre que finalement, tout n'est pas perdu. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir, faire une réflexion, poser des questions ? On a encore. J'aurais éventuellement une petite question, vu que j'ai le micro. Alors. Vous évoquez à plusieurs moments le terme de populaire dans votre discussion. À propos de, enfin, qui qualifie plusieurs mots, la religiosité. Pour moi, il y a une ambiguïté quand même dans ce terme-là, dans le sens où, comme catégorie, on va dire, qui s'oppose aux élites. Dans le cas de Catherine Théo, ça marche peut-être pas forcément parce que parmi ses sectateurs, il y a des prélats, enfin, il y a des hauts prélats. Et dans l'autre sens, il y a la catégorie, j'allais dire, de l'époque, le peuple. Qui là est peut-être plus large, pourrait peut-être plus correspondre, mais elle ne renvoie plus à une opposition de classe. Donc, est-ce que c'est moi qui crée l'ambiguïté ou... Je ne veux pas relancer le vieux débat sur est-ce que la catégorie populaire est valable, hein, par ailleurs. Oui. Mais je pense que c'est pas explicité et ça. Et ça court après chez les... Mais c'est peut-être cette ambiguïté qui permet aussi des glissements. C'est-à-dire que, par exemple... Alors, justement, je veux dire, quand il y a une pique contre Sophie Vanish en disant le peuple qu'elle propose est trop large... C'est vrai que Sophie Vanish, elle fait une histoire qui n'est pas une histoire sociale. Donc, elle ne parle pas du peuple. Elle ne va pas dire, ah oui, alors est-ce que le prélat, c'est un petit prélat, un grand prélat, etc. Le peuple, c'est le peuple souverain. Et ça, c'est vrai que... peut-être c'est quelque chose qui n'est pas... qui est peut-être une ambiguïté qui n'est pas levée dans la manière dont on parle de... du rapport au peuple, surtout dans l'article de Benigno, le fait que il y a un moment le peuple souverain, ça veut dire quelque chose, et que des gens qui sont de catégories sociales éventuellement différentes se reconnaissent dans cette appartenance-là. Ils peuvent venir se présenter devant l'Assemblée, peuvent prendre les armes en tant qu'ils appartiennent à cette catégorie. C'est une abstraction qui prend corps dans des individus, dans des singularités qui sont socialement diverses. Hein. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de ce débat. Donc il me reste à la fois à tous vous remercier, en particulier à remercier nos invités qui ont accepté de se jouer au jeu de la lecture, de se prêter au jeu de la lecture, pardon. Donc c'était le dossier sur violence révolutionnaire du numéro 2 de l'année 2016. Dans le numéro 2, je signale que vous retrouverez également un dossier sur sociologie et histoire, avec un texte de Danny Trom sur Elias et l'antisémitisme, et la traduction d'un petit article d'Elias inédit en français sur la sociologie de l'antisémitisme allemand. Un article de Nicolas Daudier et Janine Barbeau sur la notion de dispositif. Et puis une note critique de Roger Chartier sur l'écriture de l'histoire des sciences à partir des volumes dirigés par Dominique Pestre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Vous savez que vous pouvez retrouver ces débats en ligne sur le site des Annales et sur Canal U, sur le site de l'EHESS. Et le prochain débat a lieu le 17 mars prochain, et nous serons très heureux de vous retrouver.